7. Je ne joue pas le El Chapo. Quand je suis die, die, die, die, die. Le cigare et le chapeau. Je vous dis bye, bye, bye, bye, bye. C'est l'heure du bien, ils oublient. C'est l'heure du mal, ils t'aimeront. Les gens sont quand tu brilles. Alors moi, je reste à la maison. C'est l'heure du bien, ils oublient. C'est l'heure du mal, ils t'aimeront. Les gens sont quand tu brilles. Alors moi, je reste à la maison. Ils oublient, faire du mal, ils t'aimeront. Les gens sont quand tu veux.